quartier, c'est sacré, va dire ça à ta mère, moi j'ai fini solo. Je n'ai croisé personne quand le frigo était vide, quand j'étais sous l'eau. Et parle-moi des détails, faut qu'on ferme ta gueule ou bien parle-moi de chier. Ça s'enlève la vie pour une pute de service ou un réseau de shit. Je veux mourir millionnaire. Parle-moi de l'autre, je ne veux pas que tu pleures si un jour on m'enterre. Ne parle pas de l'autre, tu sais qu'à chaque heure t'es commanditaire. Des demandes de compte, en tol, on parle. Ben oui, t'es pas là, des mecs se font prendre au gilet. J'entends des rafales comme en Syrie, je passe le salem et ça suffit. J'ai comme l'impression d'être suivi, j'aime chercher la merde comme un civil. Moi je voulais taper dans la droiture, j'ai posé les armes et des CV. Ils m'ont jeté fort comme une ordure, je suis revenu seul, j'étais chargé. Le manque de thunes a fait de nous des malhonnêtes. Il fait le voyou, ok je vais faire du mal au mec. Je viens te chercher, moi je fais pas la guerre sur le net. En de l'Est, on va pas connaître la défaite. Y'a des armes et des hommes, des armes et des hommes, des armes et des hommes. Je t'ai donné ma confiance et toi, fils de pute, tu as trahi la honte. Y'a nous et les autres, nous et les autres, nous et les autres. Je suis peut-être pas un homme, mais je préfère me méfier de ce qui t'envoie les mains. Y'a des armes et des hommes, des armes et des hommes, des armes et des hommes. Je t'ai donné ma confiance et toi, fils de pute, tu as trahi la honte. Y'a nous et les autres, nous et les autres, nous et les autres. Je suis peut-être pas un homme, mais je préfère me méfier de ce qui t'envoie les mains. J'ai connu la crise pour sortir de la merde, j'ai prié le très haut. Je respecte personne aujourd'hui, je veux me garer sur un créneau. On va te faire la hagra sur la tête des Yéma, tu tiendras pas le coup. Des écrasements de tête, du sang sur la semelle, mais c'est pas des loups. Éloignez-vous de moi. Je ne veux pas de traite, j'ai connu les coups de trace et j'ai pris sur moi. Je ne suis pas ton frère, tu vas pas assumer si on se met sur toi. Les ennemis sont loin, méfie-toi des gens que tu côtoies. La rafale vient de chez toi, les armes viennent de chez moi. J'ai mis de la vodka dans mon soda, seigneur désolé si j'ai fauté. J'ai du mal à suivre la sauna, tu t'es cru malin et t'as sauté. Tu sens sur les draps de mon dabino, je m'en bats les couilles de les choquer. Tu m'as fait la hagra, j'étais mineur, toi tu m'as oublié, moi j'ai noté. Le manque de thunes a fait de nous des malhonnêtes. Il fait le voyou, ok je vais faire du mal au mec. Je viens te chercher, moi je fais pas la guerre sur le mec. En de l'Est, on va pas connaître la défaite. Y'a des armes et des hommes, des armes et des hommes, des armes et des hommes. Je t'ai donné ma confiance et toi fils de pute tu as trahi la honte. Y'a nous et les autres, nous et les autres, nous et les autres. Je suis peut-être pas un homme mais je préfère me méfier de ce qui t'envoie les mains. Y'a des armes et des hommes, des armes et des hommes, des armes et des hommes. Je t'ai donné ma confiance et toi fils de pute tu as trahi la honte. Y'a nous et les autres, nous et les autres, nous et les autres. Je suis peut-être pas un homme mais je préfère me méfier de ce qui t'envoie les mandats.